d'une vache rousse, d'une cendre mêlée à l'eau. Mystère qui traverse les siècles pour parler de purification. Ce qui touche la mort laisse une trace, ce qui souille ne s'efface pas seul. Mais tu ouvres un chemin de nettoyage pour que l'impur devienne à ton seuil. Tu annonces dans ces symboles une eau plus profonde encore. Lave-nous dans l'eau que tu prépares, nettoie ce que nos mains touchent au mal. Que ton pardon coule plus fort que nos blessures et nos failles. Lave-nous dans l'eau que tu promets, plus pure que nos efforts. Et rends-nous aptes à te servir sans le poids de la mort. Ce rituel parle au cœur fatigué. Il dit qu'il existe restauration, même pour ceux qui ont frôlé la faim, même après la contamination. Et nous reconnaissons aujourd'hui que sans ton intervention, nous restons liés à ce qui détruit, mais ton eau brise la condamnation. Lave-nous dans l'eau que tu prépares, nettoie ce que nos mains touchent au mal. Que ton pardon coule plus fort que nos blessures et nos failles. Lave-nous dans l'eau que tu promets, plus pure que nos efforts. Et rends-nous aptes à te servir sans le poids de la mort. Que ta pureté demeure en nous. Que ta pureté demeure en nous.